Truandaille de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Truandaille. Dites, jadis ripaillait-on dans les bouges et dans les fermes. Les gars avaient les reins plus fermes et les garces plus beaux tétons. Alors, en de longues tablées, autour des mets grossiers, mais bons, autour des lards et des jambons, et des mangeailles rassemblées. De grands buveurs compacts et forts riaient, chantaient, gueulaient à boire, baffraient à casser leurs mâchoires, hurlaient à réveiller les morts. Chacun avait, à droite, à gauche, chair de femelle à savourer, chair grasse, prête à se cabrer en des ruades de débauche. Chacun avait là deux brasiers, deux yeux allumés, deux prunelles, bûchers de volupté charnelle, où rôtir des amours entiers. Deux seins tout frais, tout ronds, tout rouges, frais et ronds à mordre dedans, à les marquer d'un coup de dent, deux seins appétissants de gouge, bombant le haut des tabliers et ressemblant aux pommes mûres qu'on voit grossir dans les ramures gigantesques des espaliers. Toutes ces garces en folie sablaient aussi des brocs d'étain et comme leurs gars, ventre plein, menton poissé, langue salie, râlaient en proie aux rues fiévreux dans un emmêlement farouche, criaient, juraient à pleine bouche et pour leurs mâles amoureux se battaient, tombaient pêle-mêle parmi les tables dans les coins, ruaient des pieds, tapaient des poings, roulaient dans une ivresse telle qu'on eût dit entendre le bruit d'une lutte à mort dans les bermes et que les chiens veilleurs des fermes hurlaient d'effroi toute la nuit. Fin de Truandaille.